Voilà, car le disque dont on va parler aujourd'hui, bah autant le dire tout de suite, hein, c'est Suicide, tout premier album, Suicide 1977. Et croyez-moi, s'il y a un disque pour lequel l'expression disque culte a été inventée, finalement c'est pour ce disque-là. Et on peut même extrapoler en disant que s'il y a un groupe et un seul qui mérite l'appellation de groupe culte, c'est aussi effectivement celui-là, le groupe Suicide, et en l'occurrence un duo formé par Alan Vega au chant, Martin Reeve aux machines. L'histoire, j'ai envie de dire, est connue, parce qu'au bout d'un moment, quand on étudie pendant une génération, deux et peut-être même trois maintenant, on finit par atteindre le firmament des classiques. Puis c'est d'autant plus le cas qu'en 2016, Alan Vega est mort, et bon, en laissant un héritage finalement colossal, et ça c'est autant sur le plan de la discographie de Suicide, qui n'est pas si énorme que ça d'ailleurs, et qui, je vous l'avoue, tient principalement deux albums, mais c'est aussi le cas dans la discographie de chacun des membres dans leur parcours en solo, et plus particulièrement celle d'Alan Vega. Alors c'est pas d'ailleurs tant de ça qu'on va parler aujourd'hui, soyons francs, on va camper et rester deux fois une heure avec Suicide, album 1, Suicide, album 2. Donc, entendons-nous bien, cette semaine, voilà, nous voilà en 1977, à la sortie de cet album. Le premier album de Suicide est une déflagration colossale. C'est un disque immense. Le deuxième pouvait pas être aussi bien. Et bien finalement, oui, il l'a été. Et il l'a été, mais en étant différent. Et du coup, il a pas plus rattrapé les honneurs en son temps que le premier qui avait aussi raté la marche. D'où effectivement l'expression culte qui leur correspond complètement. Donc je ne pouvais pas m'empêcher d'évoquer le deuxième en pensant au premier et vice-versa. Donc la semaine prochaine, voilà, c'est un coup double, c'est un petit peu une première dans cette série des cargos cultes, et ben un deuxième disque du même groupe qu'il précédait. Voilà. Mais je sais que vous serez fidèles au rendez-vous et à de quoi faire. Alors revenons aux 70s. Revenons à 1977 et la sortie donc de Suicide, First LP. La pochette est renversante et totalement inquiétante à la fois. C'est une simple typographie. Elle est complètement avare d'informations. Suicide y est turluré à la façon d'un graffiti sanglant sur un fond blanc. Donc le fond blanc, lui, est particulièrement clair, autant dire immaculé, alors que la typographie, elle, est totalement maculée, sale. Et évidemment, les rougeurs parfois sombres de la typographie évoquent l'hémoglobine, évoquent l'acte du suicide lui-même. Rien de très joyeux a priori. Et puis surmonté du disque, une étoile rouge. C'est étrange, extrêmement, alors, pour le peu, pas maculé du tout. L'étoile militaire, extrêmement propre, cubaine ou soviétique. L'étoile de la révolution. Et oui, parce que révolution, il y a. Ce disque est une révolution. Et comme toute révolution, elle ne va pas aboutir. Elle va avoir ses fans, elle va avoir ses supporters. Alan Vega sera un vrai Che Guevara du punk électronique. Et ma foi, il lui survivra un petit peu plus longtemps. Alors revenons un petit peu à cet album et les conditions qui l'ont un petit peu vu naître. Il faut savoir que quand Alan Vega et Martin Reeve apparaissent donc sur leur disque éponyme Suicide en 1977, ils ont déjà pas mal de bouteilles, l'un comme l'autre. Le groupe se forme à la toute fin des années 70. Et dès 1971, le groupe va écumer pas mal de scènes new-yorkaises. New York, voilà peut-être le troisième élément du groupe, le troisième personnage qui fait que ce groupe existe. Et tous les lyrics, toute la musique de Suicide contient en quelque sorte New York. New York dans ses deux aspects les plus flamboyants, les plus irritants. New York dans sa rage punk, mais ici même pré-punk, avec tout cet aspect désolé, cramé, mais en même temps extrêmement inspirant, ben, pour les artistes du milieu des années 70 à ce moment-là. Et puis un New York totalement bercé finalement par les principes, mais les principes n'est peut-être pas le mot juste, par les axiomes et minimalistes, tels que pratiqués par toute la génération minimaliste, mais rappelons-le, finalement extrêmement initié par Lamont Young, qui avait pris place avec son Dream Theater dans un loft de New York, hein, en plein Manhattan, et puis dans la foulée, tout un environnement qui pouvait le côtoyer. Alors John Cale en tête, hein, avec ou sans le Velvet Underground. Et après, bon, une rebelle d'artistes et compositeurs dans une mouvance minimaliste et parfois largement inspirée et qui allait petit à petit conduire vers le succès. Steve Reich, Philip Glass. Et d'ailleurs, elles ne sont pas si loin que ça, d'ailleurs, de Suicide. Parce que Suicide, c'est effectivement un minimalisme au carré. C'est rarement un groupe aura dit autant avec si peu. Et alors, spécialement dans le rock. Parce que Suicide, c'est un binôme qui tient à rien. Côté musique, il y a un orgue Farfisa, son nom le dit assez bien, c'est un orgue italien, un petit peu légendaire, mais alors attention, c'est un orgue électrique qui n'est pas... ça n'a pas même le glamour d'un Fender Rhodes ou d'un clavinet à ce moment-là. C'est plutôt un orgue de seconde zone. Et ça, c'est géré par Martin Reeve. Ajouter à ça une boîte à rythme. Et la boîte à rythme elle-même est très très sommaire aussi. C'est le genre de boîte à rythme qui était destinée au mariage, au bar mitzvah, et qui n'avait pas vraiment droit de cité dans les productions rock, et encore moins dans les grands studios finalement. Donc, à ça va s'ajouter un charisme au centuple, totalement incarné par Alan Vega. Alan Vega chanteur, Alan Vega éructeur, avec une chambre d'écho taillée sur mesure, outrancière pour tout vous dire, mais qui finalement donne un caractère totalement incroyable, un relief à ce que vous allez entendre, découvrir, bon, j'ai même plutôt envie de dire redécouvrir. Et quand sort le disque en 1977, autant dire qu'il sort trop tôt, alors que le groupe a écumé des scènes depuis 5 ans, 6 ans. Le groupe est officiellement formé fin 70, mais on va dire que c'est en 71 qu'il commence à tourner. Voilà. Et c'est amusant parce que c'est pas du tout un groupe qu'on va... D'abord, il va pas se faire remarquer dans les chants hyper traditionnels de la musique. Mais ça, c'est pas si étonnant que ça. Mais il faut rappeler, et peut-être même probablement insister, sur le fait qu'Alan Vega vient d'une scène arty. Alan Vega, c'est un artiste, un peintre. Il y a quelque chose de très brut, hein, finalement, dans ce que fait Alan Vega. Mais c'est quand même quelqu'un qui a une galerie. Enfin, une galerie, le mot est un peu ronflant, un peu pompeux. Mais c'est, voilà, il a un lieu où vont passer quelques artistes, d'autres gens, y compris des musiciens. Alors, c'est comme ça qu'il va rencontrer finalement Martin Reeve. Là, on est à la toute fin 71, et ils vont 70 plutôt. Et ils vont concrétiser quelque chose en 71. Mais il y a déjà les musiciens des Ramones qui traînent là, leur guêtre, etc. On est dans cette mythologie absolument naissante, hein, balbutiante même à ce moment-là, du downtown New York, qui va devenir très vite, hein, une scène extrêmement importante, complètement vitalisée par donc le punk. Hein. Alors, citons des noms à l'appel, je viens de parler des Ramones. Évidemment, les New York Dolls sont aux portes et eux, ils vont éclore super rapidement. Mais c'est déjà des gens que côtoient finalement Alan Vega et Martin Reeve. Et puis, bien sûr, après, va éclore le dit mouvement No Wave, qui, lui, va être peut-être encore plus flamboyant et explorer des orientations parfois encore plus radicales à partir des cendres chaudes du punk. Et donc, sous ça, il est tous ces coups-là, et en même temps, il n'y est pas. Comme aimait le dire Alan Vega, quand ils sont signés en 1976... sur sur le label Red Star, l'étoile rouge donc je parlais tout à l'heure, il n'y a plus personne à signer. Tous les groupes punk ou de n'importe quoi de New York ont été signés. Tous les bons et même les pas bons. Donc évidemment, finalement... Et puis attention, ce punk new-yorkais sans le sou, il a rapporté de l'argent à ses producteurs. Il a rapporté de l'argent à ses maisons de disques. Pensez à Sire, par exemple, qui va produire les albums des Ramones, et puis plus tard Blondie, tout va bien. Par contre, ceux qui vont produire Alan Vega, ça ne va pas être un jackpot immédiat. Alors, revenons un petit peu sur cette histoire. Les derniers signés, alors que les premiers sur place. Suicide, je vais autant le dire tout de suite, va avec cet album donc sans batterie, sans guitare. C'est le paradigme du rock'n'roll. Du rock en 1970, sans batterie, sans guitare. Mais alors remplacé par une boîte à rythme qui sert dans les bar mitzvahs. Ben oui, ça, c'est dur à faire passer. Et pourtant, il n'y a pas plus rock'n'roll que Suicide. Il n'y a pas plus rock'n'roll star que Alan Vega. L'album va initier tout un archétype de formule duo qui n'existe pas encore. Quelques années plus tard, l'Angleterre va pondre Soft Cell, l'Allemagne Deutsch Amerikanische Freundschaft, DAF pour faire plus simple. Voilà, la formule duo va devenir une formule consacrée. Puis alors c'est encore plus vrai dans la génération électro-techno qui va suivre. Mais croyez-moi, en 1977, c'est totalement extraterrestre. Et du coup, c'est pas évident de déterminer d'où vient ce groupe. Quand bien même, il y a des influences justement évidentes aussi chez Suicide. Il y en a deux qui sont particulièrement revendiquées par Alan Vega. Iggy Pop and the Stooges, la première période d'Iggy Pop. Et puis l'autre qui est flagrante, mais qu'on se doit de répéter, c'est Elvis. Elvis lui-même. Elvis, pas encore mort, s'était réincarné en Alan Vega. Qu'on se le dise. Voilà, il y a ce jeu des influences. Il y en a d'autres auxquelles on pense un peu moins. Et il y en a une évidente, mais Alan Vega même et Martin Rev diront même après, c'est le groupe qui nous a le plus marqué, mais personne ne les connaît, c'est Silver Apples. Silver Apples, c'est un groupe new-yorkais. Silver Apples a commencé à la fin des années 60 et une formule duo, elle aussi, à travers deux albums. Il y a une concomitance, en fait, une petite génération avant avec Suicide qui est assez étonnante. Je reviendrai sur Silver Apples, on leur consacrera un cargo cul, ça paraît bien normal. Mais histoire de, avant de refermer cette parenthèse, il faut signaler que Silver Apples était un binôme, là aussi, qui était articulé autour d'un batteur avec une batterie d'exception extrêmement modifiée, une douzaine de tomes, différentes cymbales, c'était quelque chose d'assez gigantesque, et un orchestre de transformateurs, de générateurs électriques. Autrement dit, une espèce de proto-synthé, mais totalement brutaliste, quoi. Et par-dessus, une voix plutôt aiguë, d'inspiration psychédélique, très finalement dans l'esprit des années 60, primo 70, pas du tout dans celui des années 80 qui allait suivre, par contre. Et ce groupe, finalement, initie, contrairement à ce que je prétendais tout à l'heure, et du coup avant Suicide, mais alors dans une confidentialité la plus extrême, une formule comme ça, du duo, et du duo happening. Voilà. Il joue dans les galeries d'art et pas dans les salles de rock. Et puis, ma foi, cette influence campée, il y en a une autre que je ne peux pas m'empêcher de citer, elle est anecdotique, mais elle est mignonne, puisque ce serait un single pur et dur, celui de Question Mark and the Mysterians et leur fameux 1960s. Voilà, enfin, alors bon, je ne le fais pas bien et vous n'avez pas reconnu, c'est normal. Un tube de 1966, complètement en symbiose avec l'humeur garage rock du moment, mais qui était emmenée comme ça par un orgue extrêmement trépidant. Et 96 Tears a été un titre culte que reprenait Suicide sur scène très très très régulièrement. Et puis ma foi, une autre référence que j'ai attrapée comme ça presque à l'arrache dans les propos de Martin Rêve, qui est l'album en l'occurrence Four Organ de Steve Reich. Enfin, c'est pas un album, c'est une composition en fait. Four Organ porte bien son nom, c'est quatre orgues dans une tradition minimaliste inventée par Steve Reich, hein, avec ses décalages comme ça. Temporelle, extrêmement caractéristique de Steve Reich. La première de Four Organs est faite en 1970. Et quand j'avais évoqué ça avec Martin Rêve, alors c'était bien plus tard, dans les années 2000, il m'a dit « Oui, oui, j'avais entendu parler de Steve Reich et d'un truc qu'il avait fait avec quatre orgues. Ouais, ouais. Mais je n'avais pas entendu. » Alors j'avais insisté, je dis vraiment, parce qu'en plein New York, c'est vrai. Oui, non, enfin j'avais entendu, mais rapidement, quoi. Il avait dit ça avec un sourire goguenard qui finalement, on disait, un peu plus long que sa réponse. Voilà. Alors cet album, bah, le voici, enfin, sur Red Star Records. J'ai insisté sur les fondateurs de Red Star Records et les producteurs. Ça vaut le coup d'en parler, parce qu'ils ont un rôle essentiel, carrément, et ils ont quand même ajouté une patte assez essentielle à cet album en toute fin de production. Martin Tow, c'est le fondateur, c'est le patron, en fait, hein, du label, et qui est un ancien manager de New York Dolls. Voilà. Donc il est là, un peu en pole position du truc. C'est un opportuniste qui cherche à faire de l'argent avec le punk et il y arrivera. Ça, votre associé, un autre producteur qui, lui, est un directeur artistique chez Sire Records, c'est Craig Leon. C'est amusant de savoir que ces noms disparaissent derrière les mythologies qu'ils ont produites. Parce que ce soit Martin Tow ou Craig Leon, on ne les identifie pas comme ça très clairement. Craig Leon produit, fait signer les Ramones. Blondie. Et Suicide. Bon, Blondie, Suicide, Blondie, il y a probablement un lien à trouver avec ça. Et lui, c'est un producteur assez affûté. C'est en l'occurrence quelqu'un qui s'est même retrouvé, et ça, sur Sire Records, parce qu'il en est un des directeurs artistiques, lui aussi, a signé un disque et à produire un disque pour, et là écoutez-moi bien parce que c'est, personne n'y pense, pour une artiste qui s'appelle Martha Vélez. Vous la connaissez pas, en tout cas tout le monde l'a oublié. Mais Martha Vélez, c'est une portoricaine qui est en fait produite par Bob Marley et par Lee Perry. Et l'album de Martha Vélez va sortir sous le nom Martha Vélez and the Wailers, et il va être donc produit par Bob Marley, par Lee Perry et par Craig Leon. Et ça, dès 1976. Tout se fait en Jamaïque, essentiellement, à Kingston. Mais sitôt revenu de Kingston, Craig Leon s'attache à bosser avec Suicide. Et il est totalement imprégné des techniques d'enregistrement et des techniques de reverb, de délai qui sont totalement en prise avec le dub reggae de l'époque et spécialement avec le boulot que peut développer Lee Perry dans ses productions effectivement légendaires. Hein, tout le dub ou presque doit à Lee Perry comme un des grands producteurs tutélaires du truc. Et effectivement, là, il y a conscience qu'avec une reverb à 2 francs 6 sous et parfois en la poussant dans ses derniers tranchements, il y a un potentiel absolument incroyable à explorer. Et c'est exactement ce potentiel-là que va explorer et puis mettre dans une espèce d'explosion comme ça, à la fois terrifiante et flamboyante, dans ce premier album de Suicide. Voilà. Très peu de gens feront une association entre Bob Marley et Alan Vega. Mais croyez-moi, c'est pas tiré sur le fil que de faire le lien que j'ai amené là. Alors du coup, bah, mettons-nous un petit peu sur cet album-là, voilà. Qui, donc, je le répète, en plus de l'orgue Farfisa, de la boîte à rythme, et évidemment de la présence d'Alan Vega, va devoir énormément à ses principes d'écho, de délai, et puis plus encore à l'adjonction dans les studios d'un délai numérique Eventide que Martin Tow venait d'acquérir à ce moment-là. Alors allons-y, tout d'un coup sur cet album et ces énormes classiques qui l'ouvrent. C'est un disque court, hein. Première face, 5 titres qui font tous entre 2 et 4 minutes, typiquement des rock songs, quoi. La toute première, Ghost Rider, est devenue un classique. Ce serait un single parfait qui à lui seul définit finalement totalement l'identité de l'album. Suite à ça, Rocket USA, qui commence à devenir un petit peu plus oppressant, à étendre un peu comme ça des rythmes et sans jamais finalement lâcher la prise. Puis juste ensuite, Sherry, comme notre Sherry à nous, quoi. Une chanson d'amour complètement moite, quoi. C'est le je t'aime moi non plus américain. C'est aussi fort que ça. Et finalement, c'est plus chaste, même si on en devine quand même toute la sensualité cachée. Et puis Johnny, comme ça, un personnage typique des petits loulous de la rue qu'on croiserait à New York à ce moment-là, et Girl qui finit cette première phase. La deuxième phase, elle, est totalement jusque-boutiste et terrifiante. Terrifiante, avec plusieurs airs. Et j'y reviendrai, si vous le voulez bien. On va s'offrir cette première phase, là, sur une petite quinzaine de minutes, et juste ensuite, on retournera le disque ensemble. Merci et bonne écoute ensemble sur Cargo Cult de ce Suicide premier LP 1977. Ghost Rider, motorcycle hero. He's looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Baby, he's blazing away. Stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, he's screaming the truth. America's killing its youth. He's screaming away. America's killing its youth. America's killing its youth. Ghost Rider. Ghost Rider. Car 1900. the skyway. Speed down the skyway. She found a home on my way. She's still riding around. Riding around like it was gone. It's doomsday, doomsday. Shri, Shri, shooby-shooby-bee. My black leather lightning, I love you. I love you. Open wide the emblem. Turn me on. Turn me on. Fin de cette première face de Suicide, album éponyme de 1977. Cette première face rock'n'roll, finalement. Évidemment, pas au sens traditionnel du terme. Mais là, mais on ne peut plus rock'n'roll, ne mentons pas. C'est du rock'n'roll. Et avec ce titre, quand même, en demi-teinte, qui conclut la face, Girl, je l'aime particulièrement parce qu'il est un petit peu entre deux eaux, finalement. Il est chaloupé. Il initie comme ça les humeurs à la fois funky et sombres qui vont être développées par la suite, par Suicide, spécialement dans le deuxième album. On en parlera la semaine prochaine. Oui, promis juré. Et on peut même distinguer là-dedans quelque chose de quasiment proto-house, finalement, qui est tout à fait fascinant aujourd'hui, quoi. Alors retournons la face et allons maintenant vers cette face terrifiante, je le disais tout à l'heure. Elle est campée par un morceau, principalement un seul, qui dépasse 10 minutes, ce qui est très long. Hein. Ce n'est pas du tout dans les standards de l'époque que de faire des morceaux comme ça à rallonge. Hein. Ce n'est pas du crunk rock, ce n'est pas du rock progressif. Et pourtant, bah oui, ici, 10 minutes de torpeur absolue dans le titre « Funky Teardrop ». Frankie Teardrop part d'un fait divers sordide. C'est un ouvrier qui est viré de son usine et il revient chez lui et il assassine sa femme et tue ses enfants avant de se tuer lui-même. Voilà. C'est pas rien. Et simplement, de ce fait divers sordide, parce que c'est en fait un vrai fait divers hein, qui avait inspiré Alan Vega quand il avait lu le journal à un certain moment, au milieu des années 70, a inspiré à Vega une improvisation vocale totalement incroyable, où il hurle, où il éructe, où il gémit. Et tout ça, bien sûr, est secondé et renforcé par cet écho outrancier qui signe le premier album de Suicide, mais qui lui donne aussi une véritable beauté, quoi, une véritable expression. Tous ces effets d'écho sont absolument saisissants et vont dans un crescendo oppressif qui fait qu'en fait, rarement, très peu de gens arrivent à écouter le morceau jusqu'au bout. Longtemps, le titre a eu la réputation d'être le morceau le plus inécoutable du rock'n'roll. Au cours d'une conversation avec Alan Vega, et où je lui demande de me commenter, finalement, même si le mot est un peu abscon, ce Frankie Teardrop, la réponse d'Alan Vega est glaciale autant que le titre est totalement clair. On m'a dit, mais Frankie Teardrop, mais tout est dit, non ? Frankie Teardrop, 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid, and he's working in a factory. He's working from 7 to 5. He's just trying to survive. Well, let's hear it for Frankie. Frankie, Frankie. Frankie can't make it, 'cause things are just too hard. Frankie can't make enough money. Frankie can't buy enough food. And Frankie's getting evicted. Let's hear it for Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Frankie is so desperate, he's gonna kill his wife and kid. Frankie's gonna kill his kid. Frankie picked up a gun. Pointed at the 6-month-old kid in the crib. Oh, Frankie. Frankie looked at his wife. Shut up. What have I done? A tear for Frankie. Frankie with a gun to his head. I know. Frankie's dead. Frankie. C'est la conclusion de cet album de Suicide. Et puis Yorkie tombe à point juste après Frankie. She sonne comme une oraison funèbre, finalement. Belle, belle, magnifique. Et puis totalement glauque aussi, quoi. Cet ensemble fait clairement de Suicide, premier album, le disque le plus important hein, jamais sorti du chaudron bouillant punk du New York 70s. Un disque, je l'ai dit, terriblement influent. Et ça, on y reviendra la semaine prochaine, puisque chose promise, chose due, c'est du deuxième album dont on parlera, dans Cargo Cult. Et croyez-moi, c'est un album aussi tout à fait passionnant et foisonnant à la fois. Suicide a évidemment pas trouvé son public immédiatement, et surtout pas avec ce disque. C'était même assez amusant que Suicide a accumulé finalement la réputation, et réputation qu'ils se sont d'ailleurs même eux-mêmes chargés d'entretenir finalement, d'être le groupe le plus conspué, le plus hué sur scène à l'époque. Et en fait, il y a une origine à ça et qui est plutôt marrante finalement, c'est qu'au CBGB, alors disons, c'est la scène punk de l'époque, Suicide doit ouvrir un concert des Ramones en 1976. Alors les Ramones, évidemment, ils ont leur public à fond, chauffé à plein. Donc voilà, première partie, qui emmerde tout le monde, parce qu'évidemment, le public des Ramones, il veut du rock, il veut de la guitare, il veut de la batterie, il veut pas ça, quoi. Et puis, bah, ma foi, les Ramones n'arrivent pas. Et non seulement ils n'arrivent pas, mais ils n'arrivent vraiment pas, ils sont plus qu'à la bourre, quoi. Donc le boss du CBGB dit, bah, allez-y, refaites le concert, retournez-y, quoi. Donc ils y retournent, Alan Vega et Martin Rev. Et évidemment, ils vont au casse-pipe absolu, parce que déjà, ils se sont fait conspuer sur leur premier concert, mais le fait de remettre le couvert à un public qui, de toute façon, n'en veut que pour les Ramones, et surtout pas pour Alan Vega et Martin Rev, c'était aller à la catastrophe. Mais cette catastrophe, elle en a entretenu d'autres, c'est ça qui est savoureux. Et de fait, Suicide a cessé de faire des premières parties foireuses. Premières parties foireuses en Angleterre pour Elvis Costello. Sinon, ça n'a absolument pas marché. Comment voulez-vous que Costello et Alan Vega trouvent un terrain d'entente ? C'est juste impossible. Suicide est en première partie de Clash. Pareil, tout pète, ça marche pas. Bref. Et ça donne des bruits comme celui que vous entendez là. Un enregistrement à Bruxelles, où on entend finalement plus les insultes que le chant lui-même. Et c'est sur ces quelques secondes que je vous laisse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième album de Suicide. Croyez-moi, c'est un grand morceau aussi. Merci de votre écoute. Mm-hmm.